Le mercredi 7 décembre, ici Dominique Lelièvre et les informations. Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, se dit ouvert à la tenue d'un référendum sur le SRB. Il était questionné sur l'appui timide de la population au service rapide par bus, appui qui serait de 54 % sur la Rive-Sud en baisse de 16 points, selon une récente étude de la firme Léger. Le maire de Lévis soutient que si l'appui au SRB n'est pas plus élevé, c'est qu'il n'a peut-être pas été suffisamment bien présenté. Il estime qu'avec plus de pédagogie, la population appuierait massivement le projet. Il ne voit donc aucun problème à tenir un référendum sur la question. Et questionné sur cette possibilité, le maire de Québec, Régis Labeaume, a préféré ne pas commenter. Il a laissé entendre qu'une stratégie de communication se mettrait en branle au début de la prochaine année. Scène provinciale, le gouvernement du Québec investira 175 millions de dollars sur 4 ans pour réduire les délais en justice. La ministre Stéphanie Vallée a révélé qu'un projet de loi était en préparation pour embaucher de nouveaux juges et mettre un terme aux demandes d'arrêt de procédure. Rappelons qu'avec l'arrêt Jordan, la Cour suprême a fixé à 18 mois le délai raisonnable pour qu'un accusé subisse son procès en cour provinciale. C'est une décision qui risque de faire avorter plusieurs dizaines de procès au Québec. Enfin, la pauvreté guette plus de Québécois qu'on le pense. Selon un récent sondage, le tiers des Québécois avouent ne pas avoir de coussin financier pour faire face à un imprévu, selon une enquête commandée par la grande guignolée des médias qui va se tenir demain. 37 % des répondants disent craindre de sombrer dans la pauvreté et presque autant ont affirmé avoir de la difficulté à répondre à leurs besoins de base comme l'alimentation, le logement et la santé. Ce sondage qui survient dans un contexte où les demandes d'aide alimentaires sont en hausse. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. On a moins 3 degrés présentement. Il y a une faible neige sur Québec. On attend aujourd'hui des accumulations de 2 à 5 cm et le mercure va grimper jusqu'à moins 1. Ce soir et cette nuit, une neige intermittente qui cesse tard ce soir et ce sera venteux. Demain, jeudi, des averses de neige, accumulation de 2 cm avec un maximum de moins 1. Donc, c'est plutôt le même scénario qui se reproduit.